les deux bonnes sœurs. La débauche et la mort sont deux aimables filles, prodigues de baisers et riches de santé, dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles, sous l'éternel labeur n'a jamais enfanté. Ô poète sinistre, ennemi des familles, favori de l'enfer, courtisan mal renté, tombeaux et lupanards montrent sous leur charmille un lit que le remords n'a jamais fréquenté. Et la bière et l'alcôve, en blasphème féconde, nous offrent tour à tour, comme deux bonnes sœurs, de terribles plaisirs et d'affreuses douceurs. Quand veux-tu m'enterrer, débauche aux bras immondes? Ô mort, quand viendras-tu, sa rivale en attrait, sur ces myrtes infectes, hanter tes noirs cyprès?